Amis du rock, bonjour. Cette fois, plus de doute, l'automne est à nos portes. Les feuilles commencent à jaunir et à tomber, mais ce n'est pas cela qui va faire baisser notre énergie. Merci de nous accueillir chez vous ou sur votre lieu de travail. Durant cette matinée, Jean-Marie en votre compagnie jusque 11h30 pour revisiter, redécouvrir des classiques du rock et de la pop. Et nous avons commencé avec une belle énergie en ce lundi matin 2 octobre en compagnie du supergroupe The Power Station et une reprise de T-Rex Get It On. The Power Station, un supergroupe des années 80 créé par les deux guitaristes de Duran Duran, du chanteur Robert Palmer et du batteur de Chic Tony Thompson. Alors au programme aujourd'hui, on retrouve nos séquences habituelles, à commencer par la séquence anniversaire. Nous avons été privés la semaine dernière de notre séquence rock progressif. On y revient avec un superbe morceau du groupe Yes. Le rock made in France sera aujourd'hui consacré à Bertignac. Quant à Robert Palmer, il sera la vedette de notre rubrique L'album du jour, puisque j'ai choisi aujourd'hui de revisiter l'album Clues de 1980. Et enfin, nous parcourrons quelques sorties ou rééditions récentes qui ont attiré mon attention. Mais pour commencer, trêve de bavardage, voici notre séquence anniversaire et on se plonge d'abord dans les années 80, enfin en 1980 carrément, le 2 octobre bien sûr, et on s'aperçoit que Level Degree du groupe The Whispers a été emprisonné pour 2 ans en Californie pour cambriolage. Voici précisément les Whispers and the Beat Goes On, 1979 de l'album éponyme. Get down, plane, I feel the Ah, on a commencé cette émission sur le mode funky avec The Whispers and The Beat Goes On. Et une année plus tard, soit le 2 octobre 1981, Terry Hall, Neville Staples et Linval Golding quittaient les Specials pour former le The Fanboy Three que nous retrouverons ici avec un titre de 1983, extrait de l'album Waiting, Our Lips Are Sealed. Allez, un petit coup de Specials quand même, avec un petit message à Rudy. A message to you, Rudy. To you. Ah, y a pas à dire, moi je préfère quand même la période Special plutôt que la période Fanboy Tree qui est plutôt un virage vers la New Wave. Continuons notre parcours dans la ligne du temps hein, et replongeons-nous le 2 octobre 1996. Et ce jour-là, Pearl Jam a donné un concert à Hartford, dans le Connecticut. Et malheureusement, ce concert s'est plutôt mal terminé par des bagarres, sans qu'on sache vraiment ce qui en a été à l'origine. Quoi qu'il en soit, le livre des records aurait presque pu officialiser l'instant, puisque près de 30 000 personnes ont été impliquées dans cette émeute. Voici Pearl Jam, Black, extrait de l'album Ten, 1991. À cet album 10 de Pearl Jam recèle vraiment quelques pépites grunge. Ce n'est pas pour rien que c'est un disque référence du genre. Et on remonte dans l'échelle du temps pour nous retrouver le 2 octobre 2002 en compagnie de Robin Williams qui signait ce jour-là avec EMI le contrat le plus juteux de l'industrie du disque, à l'époque tout au moins en Angleterre. Contrat qui lui a rapporté quand même la modique somme de 80 millions de livres, soit environ 100 millions de nos petits euros. Et un journaliste lui a demandé ce qu'il allait en faire. « Je vais les compter », a-t-il répondu. Living in the past. Le rock en balade. En balade avec Robbie Williams, on va compter les petits anges. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love. Whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. And through it, we'll be right back. forsake me. I'm loving angels instead. Et j'espère que vous avez compté les petits anges dans le ciel avec ces superbes ballades de Robbie Williams en 1997, Life to a Lance. Et le 2 octobre, j'ai repéré que quelques artistes avaient aussi leur anniversaire. Commençons d'abord par Don McLean, qui est né en 1945. C'est le chanteur et compositeur américain qui a notamment écrit cet entraînant American Pie, dont on va tous reprendre en chœur le refrain, bien entendu. Et c'est aussi aujourd'hui l'anniversaire de Mike Rutherford, le guitariste de Genesis, mais aussi de Mike and the Mechanics. Il est né, lui, en 1965, mais rappelons-nous qu'il a aussi mené une carrière solo en parallèle. Et enfin, souhaitons également un bon anniversaire à notre ami Sting, le bassiste de Police, qui est né le 2 octobre 1951 et que nous retrouvons ici dans une ambiance orientale avec Desert Rose, un titre extrait de l'album Brand New Day de 1999, 9h32 sur les ondes d'RQC. Besoin d'infos? Envie de retrouver un titre diffusé? Découvrir nos playlists? N'hésitez pas à nous dire bonjour. Pour nous contacter, bonjour@rqc.be. bonjour@rqc.be. Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Day that I die, this'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lenin read a book on Marx, a quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. The day be the day that I die. Helter skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines in a cast. While the sergeants played a marching tune, we all got up to dance. Oh, but we never got the chance. As the players tried to take the field, the marching band refused to yield. were clenched in fists of rage. No angel born in hell could break that Satan's spell. And as the flames climbed high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. The day the music died, he was singing bye bye Miss American Pie. Drove a Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die, this'll be the day that I die. I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing bye-bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die, this'll be the day that I die. They were singing bye-bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. Allez, on change totalement d'ambiance. Genesis, The Land of Confusion. We'll be right back.

Pour célébrer cette séquence anniversaire, je vous ai proposé en cascade quatre titres imparables. Tout d'abord Sting et Desert Rose de 1999. Don McLean, nous avons chanté en chœur American Pie. Et puis Genesis, Land of Confusion. Et enfin Mike Rutherford and Mike and the Mechanics dans The Living Years de 1988. Il est passé d'une minute, 10h moins 5, passé d'une minute, donc 10h56. J'espère que... 9h56, excusez-moi. Je ne suis pourtant pas pressé que l'émission se termine. On est si bien en votre compagnie. Et c'est maintenant le moment d'aborder notre séquence consacrée à l'histoire du rock progressif. Et la dernière fois, puisque bon, la semaine dernière on a zappé cette séquence, j'avais évoqué le style de composition plus complexe et élaboré de la musique progressive en regard de standards en usage à l'époque. Je vais notamment montrer qu'avec la musique progressive, on sortait résolument des couplets et refrains traditionnels et que les morceaux pouvaient être très très longs, voire occuper toute une face d'un 33 tours. Et ensemble, pour illustrer cela, nous avions écouté Super Shreddy de Genesis, un extrait de l'album Foxtrot de 1972. Et bien aujourd'hui, on va rester dans la même veine puisque je vous propose un autre monument de la musique progressive. Il s'agit d'un extrait de l'album Tales from Topographic Oceans de 1973 du groupe Yes. Un disque composé de 4 morceaux seulement qui occupent chacun une face de ce double album. Et Tales from Topographic Ocean, c'est tout sauf un album bâclé. La production effectuée par Yes et Eddie Orford est nickel. Sûrement l'album de Yes le mieux produit à l'époque. Chaque détail a été parfaitement retranscrit, que ce soit les subtilités de cymbales, des claviers ou des guitares. Et Dieu sait si ces subtilités ne manquent pas. Tales from Topographic Oceans, c'est d'une richesse infinie, un puits sans fond. Nous allons écouter le premier morceau de ce double album, The Revealing Science of Goats, et dans lequel on retrouve un Yes maître de son art, très classique, extrêmement mélodique, pas trop versé sur la technique, avec des harmonies vocales de folie. Et pourtant, cet album est considéré comme étant celui du groupe le plus difficile d'accès, à cause principalement de la durée des pièces, mais aussi de la complexité des morceaux. Un dernier mot à propos de cet album pour dire que l'inspiration est venue à Jon Anderson après la lecture du livre autobiographique d'un yogi nommé Paramahansa Yogananda qui a vécu entre 1893 et 1952. Et cette autobiographie traite du cheminement spirituel d'un des grands maîtres du XXe siècle. Cet album, malgré sa complexité, se classa quand même à la première place des charts britanniques et à la 6e place du Billboard 200 aux États-Unis. Et pour terminer, un mot sur la pochette qui est toujours signée Roger Dean, qui a d'ailleurs travaillé aux illustrations des albums de groupe depuis Fragile. Voici donc The Revealing Science of God. On est parti pour 22 minutes de musique ininterrompue. Bonne écoute. Il est 10h exactement à l'antenne d'RQC. illusions of wonder in moments hardly seen forgotten. Colored in pastures of chance dancing leaves cast spells of challenge. Amused but real in thought, we fled from the sea. Oh, dawn of thought transferred through moments of days and the searching gut we feel in corridors of time, provoking memories disjointed but with purpose. Craving penetrations of the links with the self-instructor's sharp and tender love as we took to the air a picture of despair. Used expression as only to teach the rest to reveal passion, chasing late into corners, and we dance from the ocean. Dawn of love sent within us colors of awakening among the many what to follow. Only tunes of a different age as the links span our endless caresses for the freedom of life everlasting. Thank you. the story. Move over. Christians see it from the beginning. All people feel it. That's what they're saying. Move over. Hanging trees, let them rain the forest. Alors, qu'en dites-vous ? C'était sympa, non ? Certes, ce n'est pas la musique de tout le monde, ce n'est pas la musique qu'on écoute tous les jours, mais c'est tellement brillant, c'est de la musique progressive, comme on n'en fait plus guère actuellement. C'était le groupe Yes en 1973, The Revealing Science of God, extrait de l'album Tales from Topographic Oceans. Et pour suivre, on change totalement de registre musical. On entame maintenant notre séquence Made in France avec un artiste que j'aime bien personnellement. Il s'agit de Bertignac. Il faut savoir à son propos qu'il a été rapatrié d'Algérie à Paris à l'âge de 3 ans, c'est sûrement à cause de la guerre d'Algérie, et c'était en 1957. Et donc l'ami Louis a poursuivi alors une scolarité tout à fait classique au lycée Carnot. Et il a 21 ans quand il se joint à une formation appelée les Super Goujats qui accompagne à l'époque Jacques Higelin pour la tournée BBH. Avec lui, il enregistrera Irradié en 1975-1975 avant de faire un passage éclair au sein d'une autre formation baptisée Shaking Street, le temps d'y faire la connaissance de Corinne Marieno. Il y aura ensuite le succès que l'on connaît au sein du groupe Téléphone et au sein de laquelle il sera l'alter ego de Jean-Louis Aubert. Mais son refus de mimer à la télévision sa partie de guitare pour Le Jour s'est levé, un titre qu'il considère comme une chanson solo de Jean-Louis Aubert, cet événement signera en fait la fin du groupe Téléphone, à notre grand regret d'ailleurs. Et après la séparation du groupe, Corinne Marieno le suivra chez Bertignac et les Visiteurs, la formation qu'il a créée et qui connaîtra de suite le succès avec ses idées-là tirées d'un premier album éponyme sorti en 1987, ainsi qu'avec un simple baptisé Jack, que l'on va retrouver ici à l'instant. Alter ego de Jean-Louis Aubert au sein du groupe Téléphone, ce guitariste parisien brillant a entamé à cette époque une remarquable carrière solo. Living in the past. Du rock made in France. Voici ces idées-là, Bertignac et les Visiteurs. Bébé, faudrait rentrer, tu vois. Je suis en mal d'être avec toi. La machine à café détraquée, les cendriers tous renversés. Des heures passées devant la mire de ma télé. Des nuits sans dormir, à me demander où tu peux bien aller. Un doute en moi s'est figé. ne vas plus rentrer. Je peux faire une croix sur toi. Comment ne pas m'imaginer ta petite gueule entre ses bras. Comment ne pas crier, comment ne pas pleurer. Oh, je suis fatigué. Oh non, non. Faut pas me laisser traîner là. Seul avec ces idées-là. Et voici Jack. J'ai été voir une fille qui lit dans l'avenir. Elle me dit, tu t'installes devant cette boule de cristal. Demande-moi, n'aie pas peur, tout ce qui te tient à cœur. Comme elle se concentrait, j'ai pu commencer. Est-ce qu'ils sont bien sincères quand ils parlent de m'aider? Est-ce qu'ils vont me pomper ou me faire avancer? Est-ce que pour moi le jour va bientôt se lever? Est-ce que la boule toujours la vérité, elle me dit, t'inquiète pas, Jack, tout ira bien. Non, ne t'en fais pas, Jack, tu iras loin. Faut pas craquer, tu sais, ça ne te sert à rien. T'inquiète donc pas comme ça, c'est pas bon pour toi. Va enfin m'oublier ou bien faire une erreur un jour en ma faveur. Est-ce que ce train de nuit va bientôt s'arrêter? Est-ce que la vraie vie va enfin commencer? Elle me dit, t'inquiète pas, Jack, tout ira bien. Non, ne t'en fais pas, Jack. Ça ne te sert à rien. T'inquiète. Au revoir, merci mademoiselle. Depuis rien n'a changé, mais je ne regrette rien. Elle m'a laissé ce refrain un peu facile, mais qui me fait du bien. Ça fait t'inquiète pas, Jack, tout ira bien. Non, ne t'en fais pas, Jack, tu iras loin. Faut pas craquer, tu sais, ça ne te sert à rien. Clôturer en beauté cette rubrique Le Rock Made in France, une petite annonce pour un spectacle qui sera donné prochainement à la Maison de la Culture. Si vous n'avez pas encore place, il est temps, puisque le samedi 28 octobre à 20h, à la Maison de la Culture de Tournai, Delphine Devigan et la grande Sophie vous donnent rendez-vous pour un spectacle baptisé « L'une et l'autre ». L'une est écrivain, l'autre est chanteuse. L'une a publié 7 romans, l'autre a enregistré 7 albums. L'une a rencontré un large succès critique et public, l'autre aussi. L'une est brune, l'autre est blonde, l'une est droitière, l'autre est gauchère. L'une avait envie de partager un moment avec l'autre, que leur voix et leur univers se mêlent. L'autre a dit oui. Delphine Devigan est l'une, elle, pour mémoire, elle a reçu le prix Goncourt des lycéens et le prix Renaudot pour son roman « D'après une histoire vraie ». Et l'autre, la grande Sophie, l'autre, c'est la grande Sophie, ou inversement, dans ce spectacle singulier qui mêle leur univers sans les juxtaposer. Écrire un nouveau chapitre ou une nouvelle chanson, ou bien les deux, en tout cas créer une rencontre qui se joue sur scène et nulle part ailleurs. Delphine et Sophie racontent une histoire, morceaux choisis, fragments rassemblés, elles disent, chantent, fredonnent, jouent avec les mots. L'enfance, la solitude, l'illusion amoureuse, la création, autant de thèmes qui se fredonnent ou se murmurent. Et de cette rencontre, chaque soir réinventée, émerge un récit dense, émouvant et sensible. Rendez-vous donc, si vous êtes intéressé, le samedi 28 octobre à 20h à la Maison de la Culture. On ne quitte pas les années 80 pour notre rubrique l'album du jour, puisqu'aujourd'hui j'ai choisi l'album Clues de 1980 précisément, et son interprète c'est Robert Palmer, qu'on a déjà entendu à l'entrée d'émission, au début de l'émission, avec son super groupe The Power Station. Alors, sorti en 1980, Clues est le 6e album solo de cette sympathique artiste. Et c'est l'album qui le révélera au grand public. En effet, jusqu'à sa sortie en 1980, Robert Palmer avait surtout charmé les critiques et les pros de la musique. Auteur-compositeur, multi-instrumentiste, il a un goût prononcé pour les rythmes exotique. Il chérit la soul, le funk, le blues, le jazz, comme le reggae et la new wave. Et ce dandy britannique enregistre d'ailleurs cet album sous le soleil des Bahamas, là où il vit d'ailleurs depuis 1977. Dans cet album, il confirme un virage plus rock tout en soulignant son éclectisme. Il n'a pas peur de mélanger les genres puisque sa voix très sensuelle lui sert de fil rouge. Et sur Close, Robert Palmer surprend tout le monde avec un titre de Gary Numan, I Dream of Wires, qu'ils ont remodelé ensemble. Et ils co-signeront un autre morceau intitulé Font You Know. Et au contraire de Palmer, Newman verse dans la musique électro. Et le duo, malgré tout, sympathise aux Bahamas. Newman présente des maquettes à Palmer qui jettera son dévolu sur ce I Dream of Wires. Et d'ailleurs, chacun sur son album en proposera sa version. Voici, pour débuter la séquence, I Dream of Wire, après ceci. Living in the Past. L'album du jour. Thank you. You wait, you wait. C'était donc Funk You Know et son rythme lancinant et lent, et extrait de l'album Clues de 1980 que nous parcourons ce matin. Et que dire encore de cet album, si ce n'est que, comme sur la plupart des morceaux, Palmer assure presque tous les instruments imaginés, et notamment sur Looking for Clues, le futur immense succès de cet album. Il est pour la circonstance quand même assisté du claviériste Jack Waldman, du guitariste Kenny Mazur et du batteur Donnie Wayne. Chris France, le batteur de Talking Heads, viendra lui en renfort aux percussions dans Woke Up Laughing qui suivra. Ce titre dans lequel il se laisse emporter par ses rêves sur des vagues de calypso. Et puis, pour Johnny and Mary, l'autre grand tube de cet album, Robert Palmer s'est inspiré de ce qu'il voyait autour de lui, des couples d'hommes politiques toujours occupés à courir à gauche, à droite, persuadés de leur importance, et leurs femmes délaissées qui s'ennuient dans leur ombre. Voilà, donc, pour commencer, Woke Up Laughing, pardon, Looking for Clues. Pardon. 11h-10 sur les ondes d'RQC. We'll be right back.

says he's willing to learn when he decides he's a fool. Johnny says he'll live anywhere when he owns time to. He becomes a head. Says she should be used to it. Mary always hedges her bets. She never knows what to think. She says that he still acts like he's being discovered. Without a second thought. Que de souvenirs avec ce titre emblématique des années 80, Johnny and Mary, Robert Palmer, sur l'album Clues de 1980, précisément, que nous revisitons ce matin. Et pour en terminer avec cette séquence, je vous dirais que sur cet album, Robert Palmer reprend aussi... un titre méconnu des Beatles qui date de 1963 et qui est baptisé « Not a Second Time ». Comme il trouve cette chanson trop courte, il lui rajoutera un couplet entier. Et à sa sortie, l'album Clues ne contiendra au final que 8 titres. On en aura écouté 6 après... ce Not a Second Time, et parmi ces huit titres ensemble ne durent que 31 minutes, et pourtant malgré le côté court de cet album, il sera malgré tout déterminant pour la carrière du musicien grâce à ce disque, il accédera au statut de star planétaire. Et après Clues, Robert Palmer sortira encore 8 albums jusqu'à malheureusement sa disparition en septembre 2003 des suites d'une crise cardiaque. Il n'avait que 54 ans. Voici Robert Palmer, Not a Second Time. Giving me the same old lie. I'm wondering why. Living in the Past. Tout en métal. Et voici Accept Kool-Aid. que ça fait du bien. Nous avons entamé en mode métal la séquence consacrée aux sorties récentes et rééditions. Nous avions tout d'abord un extrait de l'album The Rise of Chaos, qui est le 15e album de la discographie du groupe Accept, la légende teutonne, le 4e depuis sa renaissance en 2010 avec Mark Tornillo au chant. Et tout le monde s'accorde pour dire que cette renaissance inespérée fut plutôt une belle réussite, malgré l'absence du chanteur emblématique du groupe Udo Dirk Schneider. Même si cet album ici, The Rise of Chaos, ne révolutionne pas fondamentalement le genre, il y a quand même quelques bons morceaux qui deviendront peut-être des classiques du groupe, comme ce Kool-Aid. Nous avons enchaîné ensuite avec Girls, Girls, Girls, qui était la chanson titulaire de l'album du groupe Motley Crue, le groupe, la formation de glam metal. Et cet album était sorti en 1987 sous le label Elektra Records et il fait actuellement l'objet d'une réédition. Et pour suivre, changement radical d'ambiance, on retrouve le vénérable Neil Young avec Pocahontas. You ready, Bryce? Aurora Borealis, the icy sky at night. Paddles cut the water in a long and hurried flight from the white man to the fields of green and the homeland we've never seen. They killed us in our teepee and they cut our might have left some babies crying on the ground, but the fire sticks and the wagons come and the night falls on the setting sun. They massacred the buffalo kitty corner my feet and my eyes have turned to blanks in my little box at the top of the stairs with my Indian rug and a pipe to share. Pocahontas and find out how she felt in the morning on the fields of green in the homeland we never seen. Marlon Brando, Pocahontas and me. once we've made sense of our world, we want to go fuck up everybody else's because his or her truth doesn't match mine. But this is the problem. Truth is individual calculation, which means because we all have different perspectives, there isn't just one singular truth, is there? All the fear got to the head. avant cette plage titulaire de l'album de Steven Wilson, nous avons écouté, entendu un extrait de l'album Hitchhiker de Neil Young. C'est un album en fait qui a été enregistré en une séance le 11 août 1976 et qui sort enfin en intégralité et qui entre d'ailleurs par le haut dans la discographie pléthorique du songwriter canadien. Et pour suivre, nous avions donc Steven Wilson, un extrait de cet album qui sort, enfin, qui est sorti récemment, baptisé To the Moon. Et c'est un album qui succède à Horn Cannot Hear Us. Et c'est dans cet album, To the Moon, qu'il rend un hommage appuyé à la pop avec une touche progressive. Un exercice de style dont Steven Wilson, l'alchimiste de la musique, se sort haut la main. Et c'est un disque que je vous recommande chaleureusement. C'est pour moi un incontournable du genre. Ah, que faire de mon temps libre ? Eh, t'es bien tombé, pile sur RQC. Passionné ? Envie de partager et animer ta propre émission ? Rejoins une équipe motivée et volontaire au sein de la doyenne des radios libres. RQC recrute. Envoie ton courrier à RQC, Animation Média Picardie, au 2A rue Roger Salengro, à 7700 Moucron. Ou par mail à bonjour@rqc.be. Bonjour@rqc.be. RQC. Et voici Johnny Long. You could waste your whole life waiting for that mountain to move, but it's waiting on you. It's waiting on you. It's waiting on you. You gotta make it move. Yeah. Front door, your own house lies in a bed, and it's all the fear, and it's all the pain, all the years washed down the drain. Long ago you dreamed about what's on the other side, living so long in the foothills, you forgot how to climb. You spend your whole life waiting for the mountain to move, but it's waiting on you. Waiting on you. It's waiting on you. Waiting on you. It's waiting on you. Waiting on you. You gotta make it move. Waiting. It's waiting on you. Waiting on you. You gotta make it move. Thank you. Johnny Long, extrait de son dernier album intitulé Science. Et lorsqu'il a sorti son premier album de composition à l'âge de 14 ans, on imaginait difficilement que Johnny Long réussirait à outrepasser ce statut d'enfant star qu'on nous refourguerait à toutes les sauces. Pourtant, 22 ans et 6 albums plus tard, le bougre n'a pas volé son statut de prodige. Et son dernier album Fight, son précédent album Fight for My Soul, était une claque en tout point. Et il est tout à fait logique de monter la barre d'exigence à l'arrivée d'un nouvel album. Ce nouvel album, c'est donc Science. Et on peut dire, enfin, on peut être rassuré, enfin, les fans peuvent être rassurés, Science surprend, mais il ne déçoit jamais. Et voilà, il est actuellement 11h34 minutes, l'heure pour moi de vous quitter et de vous donner rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même adresse, entre 9h et 11h30. Je vous souhaite la meilleure des semaines et comme sur ce titre de Johnny Long, Make It Move, j'espère vous avoir fait bouger ce matin. En tous les cas, c'est l'espoir que j'ai. J'aurai donc le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, pour terminer, voici une toute dernière nouveauté baptisée Hospital Roll Call de Mark Lanegan, extrait de l'album Scraps at Midnight, un album de 1998 et qui fait l'objet qui a fait l'objet ici tout récemment d'une réédition. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour la semaine à venir et je vous laisse en compagnie de Mark Lanegan. Sixteen. Living in the Past. Le meilleur du classique. A little bit of love to those.